Chapitre 10 La légende. Finalement, le professeur Martinet raccompagna ses hôtes jusqu'à la poterne du château et les salua chaleureusement. Les deux amis cheminèrent en silence jusqu'à leur véhicule, puis Jérémie prit la parole. J'ai peine à croire à tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Moi de même, si ça peut te rassurer, ce portrait. Oui, ces corisants tout craché. Le choc que j'ai ressenti en le voyant. Comment est-ce possible? Je n'en sais rien, mon vieux. Je ne peux que faire des suppositions tout comme toi. Bien entendu, Cory serait peut-être une descendante de la jeune femme au portrait. Je l'ai pensé, mais la malédiction l'aurait touchée, elle n'aurait pas vécu, à moins que celle-ci ne soit levée. Elle est morte, Jérémie. Dans un accident de voiture, tu ne crois tout de même pas à la malédiction au travers des siècles? Cela pourrait s'avérer juste pourtant. À notre époque, perdre la vie dans un accident est plus que banal. Dans une autre époque, cela aurait fait penser à cette malédiction. C'est comme attraper une maladie comme la peste, où aucun traitement ne pouvait te soigner. Tu as raison, mais il faudrait y croire. Et tu te souviens de l'ordre des Templiers et de la malédiction de leur grand maître sur le bûcher? Le roi ainsi que le pape en sont morts à quelques mois d'intervalle et leur descendance n'a pas fait long feu sans mauvais jeu de mots. Ça remonte à loin, mais je m'en souviens, tu as raison. Ce n'est pas là le plus important. Si cette malédiction s'est bien réalisée, pourquoi celle de Phébus ne le ferait-elle pas? Et si c'est bien le cas, amour, ma belle petite princesse serait-elle aussi en danger? Cory avait exactement 30 ans le jour de son accident. Combien de temps resterait à... Attends, mon ami, ne te précipite pas en pareille conjecture aussi rapidement, veux-tu? Il faut revoir les faits calmement. Ensuite, nous agirons. Je sais bien que tu as raison, cependant, à part ce que nous a révélé le professeur, nous sommes dans le noir complet. Qu'allons-nous pouvoir entreprendre? Tu nous imagines crapahutés dans toutes les grottes de l'Ariège? Nous y passerions certainement le reste de notre vie sans trouver le moindre indice. J'avais oublié que la malédiction parlait d'emmurer cette pauvre fille dans la tour de l'Arger. Pourquoi donc le professeur chercherait-il ses os dans une grotte? Ne nous aurait-il pas tout dévoilé? Possible. Il semble assez secret, et avec une pareille découverte, il n'y aurait rien d'étonnant. Je n'en reviens toujours pas de la ressemblance entre le portrait de cette jeune fille et de Cory, déglutit Jérémie. J'avoue avoir eu un sacré choc, moi aussi, répliqua Fred. Tunnero de Dio, dirait l'ancêtre, c'est inimaginable. Allons-nous lui en parler? Et pourquoi pas? Il pourrait en savoir plus. Les légendes dans la région sont légion. Ne dit-on pas que dans toute légende il existe une part de vérité? Les anciens sont secrets, mais il suffit que ressurgisse une histoire comme celle-ci pour que des langues se délient. Il va nous prendre pour des fous, ricana le chirurgien. Détrompe-toi, fit son ami avec sérieux. Tu seras peut-être fortement étonné à ton tour. La Jeep Cherokee avala les quelques 40 kilomètres qui les séparaient d'Orgex en moins de 20 minutes. Jérémie, tout à ses pensées, conduisait en automatique. Son cerveau faisait deux choses à la fois, regarder la route et rebâcher sans cesse cette histoire de malédiction, terriblement troublée par la jeune femme du portrait. Au repas du soir, attablé, Fred commença à jeter quelques sujets sur les légendes du coin. Et il y en a bien une qui a une certaine ressemblance avec ce que tu viens de nous conter, garçon. Ça ne nous fait pas languir, papa. L'ancêtre se servit une tasse de café posément, se renversa sur sa chaise, en prit une bonne gorgée tout en le dégustant, ce qui fit bouillir son fils. Mais les deux amis se tinrent quoi? Nul besoin était de le brusquer sous peine d'en faire les frais. Il lampa sa dernière goutte de café, posa sa tasse calmement et finalement entreprit son récit. Mon père tenait cette histoire de son père et ce dernier de son père avant lui, ça remonte à loin, vois-tu? Très bien, nous t'écoutons, explosa enfin Fred. On dit que tous les 100 ans, à la pleine lune de juin, donc vers le 21, dans la Caugno de l'Aspargo. Attends, où ça? Demanda Fred soudain perplexe. Tunnero di Dio, laisse-moi donc terminer. Fred poussa un long soupir d'exaspération, mais ne pit pas mot. Satisfait, le vieil homme reprit. La Caugna dell'Aspargo, c'est cette grotte un peu au-dessus de chez nous. celle où tous les gamins des environs, un jour ou l'autre, ont fait les 400 coups. Nous y sommes tous allés, nous avons même gravé nos initiales sur les parois. Par contre, à cause de cette histoire de folle, nous ne nous sommes jamais aventurés bien loin, et encore moins le jour de la Saint-Jean, le 21 juin. Il s'arrêta, se leva, prit une bouteille d'eau-de-vie dans le placard de la cuisine. Il servit posément les deux hommes avant de s'en octroyer une bonne rasade tout en se rasseyant. Il se délectait de les faire languir ainsi. Un regard de Jérémie fit comprendre à son ami de n'en faire aucun cas. L'ancêtre dégusta avec soin le liquide transparent en claquant de la langue. Finalement, voyant que son petit stratagème ne tournait plus en sa faveur, il se décida à reprendre. Oui. On disait que dans cette grotte, tous les 100 ans, apparaissait une belle jeune femme qui pleurait et demandait aux gens présents, surtout les hommes, de la suivre. Évidemment, personne jamais ne s'y risquait. Et c'est tout, s'étonna Fred. Il est étrange que je n'ai jamais rien entendu de pareil jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est pas bizarre, reprit Anthelme. Ça ne fait pas si longtemps que tu es rentré au pays. Pas si. Mais bon sang, ça fait un peu plus de 2 ans désormais. Je suis né ici. J'y ai vécu jusqu'à ce que je fasse mes études à Toulouse. Je ne suis quand même pas un étranger, s'insurgea son fils. Bien sûr que non, mon garçon. Cependant, tu es quand même parti à la capitale pendant plus de 10 ans. Les gens changent, c'est bien connu. Et puis, pour savoir les choses, il faut les demander. Ah, si je comprends bien, si je ne t'avais rien dit, je n'aurais jamais rien su non plus. Peut-être. Peut-être pas. Je t'aurais certes confié ce récit un jour ou l'autre. Ah, au fait, sur les têtes, il manque une lauze. Il faudra t'en occuper sans retard, avant qu'il ne pleuve, du moins. Je vais donner à manger aux gousses à présent. Il prit la gamelle de Thor et sortit de l'oustal sans un regard en arrière. Ton père est incroyable. Le pire, c'est que je commence à comprendre ces quelques mots d'occitan dont il émaille ses phrases. Ah, vraiment. Raconte-moi donc ce qu'il m'a demandé. De réparer la toiture avant qu'il ne pleuve, qu'il manquait une ardoise. Pas mal, et ensuite? Qu'il a donné à manger aux chèvres? Pas aux chèvres, à ce grand patou de Thor. Les chèvres ont eu largement leur part. Mais ce n'est pas mal pour un étranger, pas si mal du tout. Donnant une bonne bourrade à son ami, ils débarrassèrent la table et se mirent à la vaisselle. Les jours suivants, Jérémie se promena, le nez en l'air, toujours en direction de la fameuse grotte. On voyait nettement l'envie qui lui prenait d'y aller faire un tour. Pourtant, une certaine réticence le retenait. Il n'oubliait pas qu'il avait une enfant. Sa petite princesse qui avait déjà perdu tellement. Ses grands-parents ne seraient pas éternels. Il lui incombait donc de rester près d'elle aussi longtemps qu'il le pourrait. Thor continuait à le suivre pas à pas. Dans le petit village, on commençait à le connaître et on le saluait poliment. Bien sûr, au fil des semaines, les saluts se faisaient plus chaleureux et on jasait pour savoir ce que faisait ici ce très bel homme solitaire. On savait qu'il logeait chez l'Anthelme, mais l'ancêtre bourru n'avait pas sorti le moindre renseignement, si ce n'est qu'il était un ami de son fils. Pourtant, Jérémie recherchait la compagnie. Il avait remarqué que vers la soirée, Anthelme disparaissait. Il le suivit donc discrètement pour s'apercevoir qu'il allait jusqu'au petit pont de pierre qui enjambait l'Ariège et y retrouvait par la même occasion de vieux compagnons. Il contemplait l'eau vive qui coulait paisiblement, ou bien les sommets vers la Dent d'Orlu. Une discussion se résumait à quelques phrases succinctes. Les vrais montagnards ne parlaient pas pour ne rien dire. Bien sûr, il arrivait qu'un compagnon se remémore une chasse d'antan, des cultures en espalier au-dessus de vers la montagne, où à cette époque bénie on y récoltait des patates, du maïs, où poussaient quelques pieds de vigne, ou bien encore de leurs escapades dans la Spoulgas. Toutes ces histoires, ces péripéties qui disparaîtraient peu à peu. Les jeunes, depuis la dernière guerre, quittaient le village, prenaient du travail à la ville et les traditions, récits, s'évanouiraient bientôt des mémoires. Jérémie essaya bien de se retrouver sur leur chemin, mais il n'en apprit guère plus. Dépité, il rentra se coucher. Demain serait un autre jour.